Donc variation, Goldberg variation de Glenn Gould pour l'interprétation. C'est extrait d'un concert qui a été enregistré à l'occasion du festival de Salzbourg en 1959 sur du Johann Sebastian Bach. L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Olivier Coulon-Jablanca, vous êtes metteur en scène pour la pièce Trois songes, un procès de Socrate qui sera présenté très prochainement à l'apostrophe, la scène nationale de Cergy Pontoise et du Val d'Oise, les 20 et 21 mai prochains. Venons-en, avant de parler du projet lui-même, peut-être à resituer pour ceux et celles qui nous écoutent et qui n'ont pas connaissance de qui était Socrate, comment vous pourriez nous le présenter, vous qui avez fait, je crois savoir, des études de philosophie avant de vous engager dans des études théâtrales. Alors, Socrate, c'est le premier philosophe grec. Il dialogue avec les sophistes. Qui ont l'usage rhétorique de la parole, et Socrate va parler avec n'importe qui dans la cité athénienne. C'est ce qui lui vaut un certain nombre d'ennuis, et il va contester le pouvoir des puissants, de ceux qui ont la connaissance, le savoir, mais qui l'utilisent à des fins plus instrumentales, on va dire. Voilà. Alors, venons-en à votre projet. Je crois savoir qu'au départ, ce spectacle correspond à une commande pour Odyssée, un festival ou une programmation à destination du jeune public sur le département des Yvelines et tout particulièrement au théâtre de Sartrouville. Je crois que vous travaillez toujours, vous êtes artiste, vous participez à l'ensemble artistique de ce même théâtre. C'est ça, voilà. Et dans le projet, il y avait une part importante sur la production d'un spectacle à destination du jeune public. Et en l'occurrence, pour nous, ça a été un choix de travailler en direction d'un public adolescent. Mmh. Voilà. Sachant que ce spectacle, cette pièce, c'est trois songes, autrement dit trois méditations, je crois savoir, autour de la justice et de la démocratie. Ça parle très directement, malgré les siècles qui se sont écoulés, ça parle toujours autant à notre jeunesse, aux adolescents d'aujourd'hui. Oui, mais moi j'aime beaucoup en fait aller chercher des textes lointains. Alors ça parle évidemment, il ne s'agit pas du tout d'actualiser, de recouper la démocratie française aujourd'hui et la démocratie athénienne, mais pour autant, on voit comment la démocratie à Athènes en vient à condamner un philosophe à mort. Voilà, donc évidemment, ça résonne avec un certain nombre d'événements récents, notamment concernant l'état d'urgence, mais je dirais que ça, c'est presque des incidents, en fait, hein. C'est-à-dire que bon, l'auteur, Olivier Saccomanno, a écrit à partir de trois dialogues, qui sont Euthyphron, le premier Alcibiade et l'Apologie. Donc il y a un montage et une retraduction, des choses plus condensées aussi, une réécriture. Et évidemment, il y a des choses qui résonnaient, mais il ne s'agit pas pour autant d'actualiser les dialogues platoniciens, vous voyez. Mmh. D'ailleurs, à ce propos, vous dites que ce spectacle doit prendre les adolescents au sérieux. Nous ne cédons pas aux tentations de l'époque, à son obscurité. C'est justement ça, ne pas coller à l'époque actuelle. Oui, bah pour moi, ce qui est politique, ce projet, il a été pensé pour tourner dans des lycées. Il a aussi, disons, un versant tout public, donc il peut jouer dans des théâtres, mais il a été vraiment conçu et créé dans des lycées. Et il y a quelque chose de très émouvant d'aller devant des jeunes gens et d'aborder la question de pourquoi est-ce qu'Alcibiade déclare la guerre, veut faire la guerre et dit savoir ce qui est juste et injuste devant l'Assemblée. Socrate ensuite va dialoguer avec un devin en charge des affaires religieuses, avec Euthyphron, qui lui prétend savoir ce qu'est la piété. Voilà, toutes ces choses-là, évidemment, c'est très très fort de les brasser dans un lycée. On sait que, voilà, aujourd'hui, il y a aussi parfois des comme une chape de plomb dans la parole, et il y avait quelque chose, je pense, pour les élèves de très émouvant aussi. Voilà, dans cette parole, très directe, qui leur est adressée directement. Mmh. Et puis, ça joue vraiment de façon très serrée sur les concepts, vous voyez. Donc évidemment, il y a une théâtralité, mais elle est quand même au service d'un processus philosophique, de glissement de concepts. Les dialogues sont vraiment s'inscrivent dans les sillons de ceux écrits par Platon. Donc évidemment qu'il s'agissait pas du tout de céder à la facilité, en effet. Mmh. Si l'action se situe en l'an 399 avant Jésus-Christ, pour autant, les interrogations, les questionnements que Socrate adresse aux Athéniens, ce sont des questionnements que chacun de nous, aujourd'hui, jeunes et moins jeunes, pourrions se poser à tous ceux qui ont l'autorité dans notre société aujourd'hui. Oui, mais Socrate, dans son procès, c'est-à-dire qu'il a été reconnu comme le plus sage des hommes par l'oracle, un peu par provocation, et il va dire, voilà, moi au moins je sais que je ne sais rien. Donc, et c'est par cette parole-là que le scandale arrive, et en effet, dans les dialogues précédents, on le voit en effet dialoguer avec des hommes puissants et de les considérer comme d'égal à égal, on va dire. Mmh. On assiste à un véritable procès où le philosophe Socrate va tenter de convaincre ses juges qui, au final, vont le condamner à mort. Mm-hmm. C'est bien ça ? Oui, Socrate, il a un plaidoyer paradoxal, c'est-à-dire, au lieu de se justifier, il va, disons, mettre en cause la légitimité du tribunal. Donc ça, c'est notre dernière variation, nous, sur la justice. Et il va justement reprocher au juge la forme même du tribunal. Il dit, voilà, moi je ne vais pas m'apitoyer sur mon sort et il va être condamné à mort. Il va vraiment faire en fait un cours de philosophie au sein du tribunal. Mmh. Donc pour nous, évidemment, il y a une forme très théâtrale là-dedans, vous voyez, dans une assemblée, voilà, très simple. Et disons qu'on rejoue en effet ce dernier moment devant les participants. À tel point que ce Socrate joue son double en renversant, plus qu'en inversant les rôles, du philosophe, il passe au religieux, au juge, au politicien, tout ça pour nous confronter au rapport qui existe dans la société, dans la cité. Oui, bon, ça c'est un truc de mise en scène assez simple, en fait, qu'on aime bien faire, nous, et qui vient, disons, de Brecht. C'est de casser l'incarnation, donc en effet, il n'y a pas un acteur qui joue Socrate, il joue à tour de rôle Socrate, et donc on est vraiment dans la forme aussi de la philosophie, de qu'est-ce que ça... Enfin, voilà, comment... Enfin, on n'est pas du tout dans la forme du maître et de l'élève, au contraire, elle est mise en jeu, en fait, dans des inversions, en effet. Voilà. Deux comédiens sur scène qui, tour à tour, justement, jouent à la fois le maître et le disciple, et plus encore, comme je viens de le dire, en renversant les rôles qui sont présents à l'occasion de ce procès. Mm-hmm. Vous pouvez dire quelques mots concernant vos deux comédiens ? Bah, écoutez, moi j'ai plaisir à travailler avec eux. C'est des gens avec qui je travaille depuis une dizaine d'années maintenant, qui font partie de la compagnie Mukden Théâtre. Et voilà, c'est eux qui s'y sont collés cette fois. Et voilà, je pense qu'ils avaient, ils se sont pas des philosophes au départ, ce sont des acteurs, donc il a fallu faire un travail comme ça, très proche du texte, pareil, pour appréhender les petits glissements de sens et tout ça, et c'était un grand plaisir pour nous de travailler, et puis aussi dire que il y a Olivier Saccomano dans l'histoire, donc il y a un auteur qui travaille avec la compagnie Duzieux, et c'était notre première collaboration ensemble, d'habitude. voilà, moi je travaille pas avec des auteurs, enfin on fait des montages à partir de choses déjà existantes. Et ça aussi c'était un voilà, c'était une expérimentation et c'était plutôt très très joyeux, très très réjouissant. Mmh. Voilà. Une pièce théâtrale qui invite effectivement, je suppose, aussi à la réflexion, songer, c'est rêver sans doute, mais c'est aussi penser. C'est un petit peu le but de ce type de spectacle adressé à la jeunesse. Oui, voilà, le titre est un peu piège parce qu'en fait, ce sont trois réveils, on va dire. Mmh. Donc ça joue aussi évidemment avec la rêverie, la méditation de Socrate. Il y a comme ça trois songes qui ponctuent les dialogues, qui sont les trois visions de Socrate, les trois visions affirmatives. Sur ce qu'est la justice ou la piété. Mais au-delà de ça, dans le dispositif, on n'est pas du tout dans une chose onirique, au contraire, on est dans une chose très très proche du public. Les acteurs font avec cet espace très très brut pour essayer de fabriquer un peu de pensée et de voir comment ce que peut encore la philosophie, ce que peut encore ce texte aujourd'hui. Mmh. J'imagine que quand vous présentez ce spectacle sur une scène de théâtre aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, dans un contexte quand même politique particulier, car vous êtes programmé dans le cadre du cycle et de l'événement Théâtre et Politique, 7e édition à Cergy-Pontoise, les événements que l'on peut voir où la jeunesse, comme finalement plus largement les citoyens, veulent réinventer la démocratie, ça prend écho, ça prend résonance avec votre travail. Bien sûr, quand on joue un spectacle dans un contexte politique différent de celui qu'on a créé, évidemment, les choses, elles vont résonner un peu différemment. Il y a comme ça des endroits du texte où Socrate dit qu'il ira parler avec tout le monde, et non pas seulement au théâtre, mais aussi dans les entreprises, sur la place publique. Après, Socrate, c'est pas non plus un grand démocrate. Vous voyez, historiquement, il est aussi très sceptique avec la démocratie athénienne telle qu'elle fonctionnait. Donc là encore, évidemment, il y a des jeux de résonance. Si vous voulez, Socrate, il est condamné dans un moment où la démocratie est vraiment affaiblie, c'est après la tyrannie des 30. Mmh. Donc au contraire, il y a un durcissement, en fait. Il est accusé de corrompre la jeunesse, de troubler l'ordre de la cité. Et c'est le moment des convulsions, en fait, de la démocratie. Mmh. Donc en effet, la démocratie dans laquelle on est aujourd'hui, elle est plutôt en train de se tendre. Moi, c'est plutôt ça que je vois. Dernière question. Pour la mise en scène, vous avez procédé à un dispositif scénique particulier, parce que qui dit démocratie athénienne, on peut imaginer une assemblée. Est-ce le cas ou ça sera quelque chose de plus intime? C'est une petite assemblée. Pour nous, c'était important en termes de jauge de ne pas être sur des jauges de 500 places. Donc on est plutôt sur une assemblée réduite qui permet aux acteurs de s'adresser aux spectateurs de façon très très proche. Après, vous verrez, il y a un dispositif aussi d'écran qui permet aussi d'amener les choses un petit peu ailleurs. Juste dernière chose pour ceux et celles qui vont nous écouter sur l'antenne de RGB. En quelques mots, l'invitation que vous pourriez faire justement à ceux et celles à qui est destinée cette pièce. Je crois savoir d'abord que c'est les adolescents, mais pas que. Les parents peuvent être présents effectivement à l'occasion de ces représentations. Quel message vous pourriez adresser à ce non-public qui a tendance à avoir du mal à ouvrir les portes d'un théâtre? Bon, il n'y a pas de message, c'est plutôt une invitation. C'est sûr que nous, dans le dispositif, il y a quelque chose qui a été pensé de façon stratégique pour s'adresser à la jeunesse, mais ça, j'ai pas tellement envie de le dévoiler, en fait. En tout cas, je pense que le théâtre permet, si vous voulez, de faire le messager comme ça de ces textes-là, donc c'est plutôt une invitation. Eh bien, l'invitation est prise. On indique à nos auditeurs que pour deux représentations, les vendredis 20 mai et samedi 21 mai, ça sera donc à l'apostrophe au Théâtre des Arts à Cergy. Un grand merci à vous, Olivier Coulon-Jablanca. Merci beaucoup. Merci, bientôt. Très bonne journée. Au revoir.